monsieur Ménage, il est Marie Claire. On va rester bon, monsieur V, c'est ça qui fait que moi, pas j'en content. Moi, j'ai un petit ménage, il est Marie Claire. On va rester bon, monsieur V, c'est ça qui fait que moi, pas j'en content. Ménage la belle en forme. La lave marche dans la rue, mon capable cadeau, bébé caboulé. Monsieur Fat la Wessa, ménage la belle en forme. La lave marche dans la rue, mon capable cadeau, bébé caboulé. Maman, j'en viens vers mon nom, qui gagne mauvais manière. Moi, pas faire ni confiance, qui retourne, c'est la mer. Quand mon remet du tabac, quand mon remet du café. Quand mon rêve est mon pédel, m'a chargé pour la planète. Marie Clagéry, c'est ma maman satisfaction. Oui, j'en connais maman, rêve. La chef est qu'elle porte à Dieu. Marie, tout la Marie, c'est ma maman satisfaction. Marie, tout la Marie, la chef est qu'elle porte à Dieu. Marie, la Marie, c'est ma maman satisfaction. Si la foule dans côte petit bonhomme regardez regardez qui parole ça avec des petits pas chefs dit en ville manquer deux petits dans devant regardez grand monde regardez non grand monde on connait chaque Jacques douleur rien ou pas bon moi j'ai un petit boléro pour petit bagaille douce qui pour permettre au vaciller petit cadavre corps vous comprenez moi Kadonko, absurdité, l'inconduite, absurdité, l'inconduite, absurdité, l'inconduite, absurdité, l'inconduite, absurdité. Ah, gardez non, gros bagaille qui pourrait jouer là.